You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, Happy Pledge Drive. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien et bonsoir tout le monde. Romain, bonsoir and tout le monde. If you scream in the mic, you shouldn't like Postillon. I was laughing, but you probably can hear all the details with your headset there. So, yeah. Thank you, Mr. Engineer. You blew Engineer. Me away. You blew my ears I blew your ears away. Sorry about that. We're That's so happy okay. to be here for Pledge Drive. Good yes, evening, we are. Everyone. Bonsoir, Minnesota. Bonsoir. And so tonight, everybody's here. Yes. Like everybody, tout le monde. C'est vrai, c'est ça. Yes. And it is Pledge Drive. And plus plus. And it's plus plus. It's not just us. It's the three of us in Studio 4. But it is. Right next door. Yeah. We have a team. We do. Ready. That are waiting for you yes. to take your pledges. And they are ready to write down a lot of zeros. Yes. A lot of. After a number yes. that is not zero. Yeah, the numbers should come, you know, after another, yes. And since you're talking about zeros tonight, Oma, we can give maybe a quick snapshot of what's happening in the Pledge Drive, Spring 25 Membership Drive. We have a beautiful t-shirt with a logo at the $60 level. $120 is a long baseball shirt, black and gray with a amazing graphic. And then if you want to go and splurge a little more for $250, we have keychains, two t-shirts, and some different things for $500 with a KFAI tour, a recording session. Yeah. And finally, for the $1,000 level, we have the KFAI tour, the recording session, lunch, and KFAI mug, plus the t-shirts, plus the keychain, and... And a cooking class with Freddy. That might be complicated. I don't know. We can ask April about that. And all our gratitude. Yes. All our gratitude because That's you help keeping important. The lights on Radio Without Borders, member-supported community. No, it's radio. The Doctor Without Borders. Radio is Without Boundaries. Too. It's because the Doctor Without Boundaries, that's also called, like, they go in jail, you know? But, no, it's boundaries. Thank you. You're Border welcome. Boundaries, you know. Les frontières. Yeah. And so tonight is a special Pledge Drive, so the theme is about money, l'argent. Yeah. I hope you have our favorite song. I have the one for starting, yeah, for sure. Bon. Yeah. It's a tradition exactly. here. And I don't know, I think it might be, I think Adrien might be a little too young. Do you know the Barba Papa? Oui, bien sûr. Not the what we eat. Non, bien sûr, bien sûr. Bah oui, quand même. That's the cartoon. The cartoon, the animated series from the 70s. Oui. The theme song was composed and written by Rissé Barrié. Wow, okay. Drop the mic. Yeah. I think that's the end of the show right there. I can't because the mic is actually kind of anchored. At thank goodness. The yeah. There's been plus, there would have been a lot of dropping in the past. Plus the two heads of the radio, they're right behind us, and I don't think they would like to see me drop the mic. No, I think that's totally fine. We're not dropping anything. Not literally. All right, so yeah, that's going to be about money, and we're going to listen to several songs. And so the first we're going to listen to is not really a song, it's the bruitage. That means the sound of the cash register, or caisse enregistreuse. Then we're going to listen to Rissé Barrié with Y'a plus de sous. There's no more money, so we count on you. And then we're going to listen to Charles Aznavour and Older One. And having seen Mr. Aznavour help sing, because it's the

tant de monnaie, dit le commerçant qui a le sourire, tant de menu monnaie, vous avez cassé votre tirelire, tant de monnaie, et je ne sais pas quoi lui dire, avouez. Oh non, ça n'est pas moi qui ai de la chance, ce sont ceux qui ont de la Banque de France, de beaux billets, tandis que moi j'ai... Tant de monnaie que les gens m'en font le reproche, tant de menu monnaie, me dit-on abîme les poches. Tant de monnaie fait que mon complet paraît moche, mon complet paraît tout usé. Et ça me rend fou, toutes ces pièces de 10 sous, ces petites pièces de 20 sous, venues de n'importe où. Et je vous le dis, entre nous, toutes mes poches ont des trous, de minuscules trous, et même d'immenses trous. Tant de monnaie que les gens m'en font leur poche. Tant de menu monnaie, me dit-on, abîme les poches. Tant de monnaie fait que mon complet paraît moche. Mon complet paraît tout usé. Tout usé. And we are back. You're listening to KFAI. This is Bonjour Minnesota. And you're listening to Romain, Adrien et Freddy. Bravo. Voilà, yeah, we could say you know your name. That's great. Hey. I know. Normally, I need to have like a sticker saying my name, you know, in case I get lost or something. But we not found tonight. Freddy. No, not tonight. Hey, my little Freddy. No, don't call 911. All right. So we just listened to a bruitage of caisse enregistreuse. Mm-hmm. Then who? Who? Yeah, by who? Le bruitage. Yeah, no, I know, but I don't know the name of the caisse enregistreuse. I'm not. Familiar enough with the cash register. Register number 12 at Monoprix? No. Bagnolet? No. No, okay. No, I don't think it is. I don't know. I don't know her personally, the okay. cash register. But, okay. All right. Then it was Rissé Barrié with Yaputsu, There's No More Money. And then Roche and Charles Aznavour with Tant de Monnaie. Like so much money, so much change. And tonight is Pledge Drive. Yes. So, Adrien, what else do we have for the Pledge Drive? What do we have? Like, yeah, T-shirt. Oh, yeah. Well, it depends. It depends. You know, you get different things depending how much you can afford and how much you can support us, support KFAI Radio. So at the $60 level, you get a beautiful white T-shirt with a super cool logo design on it with KFAI Twin Cities Community Powered Radio. Yeah, it's pretty cool. And it's got the skyline of Minneapolis in the background, and it's like a drawing graphic, and that has the Spring 2025 edition on it. Wow, so I want that one. Yeah, I want that one too. Yeah. And then for $120, which is the next level, you'd get a baseball T-shirt and a keychain, and this is like a bigger T-shirt with longer sleeves, black and gray, two-tone, and then for $500, $250 first, you get both T-shirts plus a keychain, plus other things, plus a KFAI tour. And then $500, you get the KFA tour and the recording session. All right. And finally, last but not least, for the living, that's called the living local level, which is $1,000. Then you get all of the above. And on the top of it, you get lunch and KFAI mug. And a paintball session with Freddy. No. So, no, that's a joke. Because this is not a contract, okay? So, basically, if you want to donate and support KFAI and help us keep the lights on, we are all volunteers here for the shows to highlight the diversity of French-speaking cultures through this show, Bonjour Minnesota. Just go on kfai.org. There is a little menu, donate, and you can just fill in. It's a really quick thing to do, just a couple minutes, and we'll be very grateful. For your help. Otherwise, if you'd rather do it old school, and we have someone right now on the other end of the phone, you just have to call this number. 612-375-9030. And we'll say it again, it is 612-375-9030, 612-375-9030. Bravo! All right, well, let's keep on listening to music. We're going to listen to Dewey Balfa and Friends with Quand j'étais pauvre, and it's Kaja. And Raymond Boissière with Money, Money, Money. It's a cover from ABBA, but with the accordion. Oh, cool. Yeah. Eh ben, vas-y. On y va? C'est parti. Again, the blackbird sings. The streams wake, laughing from their winter dreams. Tuesday, April 22nd, Lady Blackbird, live at the Dakota. Lady Blackbird is back with her new album, Slaying Spirituals, a gospel-rooted rhythm and blues powerhouse that pulls no punches and paves a new path in urban soul. Slaying Spirituals is the story of Lady Blackbird's journey of growth, powerful, transformative, inspiration. Tickets for Lady Blackbird can be found at the Dakota's website. Visit dakotacooks.com for more details. And we are back on Bonjour Minnesota. Yes, indeed. So we just listened to two songs. The first one was When I Was Poor, or Quand J'étais Pauvre, from the Douai Balfa and Friends. And then Raymond Boisserie. I was going to say Boissière, c'est Larry Boisière. Oui. And Money, Money, Money from ABBA with the accordion. And we're on Pledge Drive tonight, so you can call us at 612-375-9030 and give us money. We take all kinds of money, but dollars are preferred. And yeah, we're going to keep on listening to some songs about music. About money. Well, yeah, it's about money. Mm-hmm. It's some songs about and music about money. Okay. Okay. Bon rattrapage. Today, Paris got Paris Saint-Germain on the soccer. Paris Saint-Germain, who is that? Yeah, who's c'est quoi? That? C'est quoi? C'est qui? It's the best team of the Champions League this year and the one that is prognosticated as winning the Champions League. So tonight, they got qualified for the semifinal. Congrats. Yeah. Semifinal of? Champions League. Wow. Yeah. Surprise. So that's pretty cool. And yeah, and I got to see some Frenchies. I was watching it at Britpuff. Ah bah oui. Because they have like tons of screens and stuff. Yeah, for the French Cup. Yeah. La Coupe de France. No, there was no French Cup today. No, not today, but like... Well, I mean... The one against... The final. La finale. La finale de what? La PSG. De la Coupe. I mean, it's Champions League. It's not la Coupe de France. I know, but they just got on the final of la Coupe de France. Oh, okay. But today you were watching the UEFA. No, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. It's true. It is true. That's what drinkings do for you. So if you have kids listening to the show... Jeune, pose ton verre. Don't drink San Pellegrino. So yeah, that was the news of the day. They beat Aston Villa... on the aggregate. They lost the game today, but... La Coupe de France, c'est vrai. They won it, did yes. you? Yeah. Yeah, they won but that. It was last week news. It was last week, but same team. They win true. Everything. Where's the surprise? Everything. They even win me, so... Well, something that was a surprise is that my team, Cannes, mm-hmm. my hometown, Cannes, France, was in the semifinals of La Coupe de France. And... They could have been against the PSG at the Parc des Princes in Paris. Mm-hmm. Had they won against Reims. Yeah. And they were very close. Wow. And so for it, because, okay, Coupe de France is a mix of all the teams in France. So you can be you can be D2, D3, it doesn't matter. Paris is the top in the world, so they're elite, they're all paid like billions. It's cool. But and they're not even owned by a French. But it's but the Cannes, the small hometown of Cannes, mm-hmm. who is like, barely professional, made it to the top four teams of France and eliminated all the other teams in order to get up there. What? So what? That's quite a story. What that's newsworthy. When PSG wins every week, it is not newsworthy. No, but you remember a few years ago, I think 2 years in a row, I can't remember what small team. Yeah, there was a small team. What was it? Brittany, I can't remember now. And they won against the PSG in the finals, even though, as you said, PSG... There was an accident. No, but they are professionals, and that's all they do. And that team, they were, you know, like a baker, a physician. That's exactly the same. And they practice

passer. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. And we are back. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And this is Pledge Drive. Indeed. So if you could help us, we would highly appreciate it. So Thank you. Yeah, some thank you already. Thank you to Michael. Thank you to Kelly. Thank you to Adrian. Who's that guy? Oh, I don't know. Surprise, surprise. But there is more. There is more. Thank you to Lena. And thank you to Melissa. Oh, thank you, Melissa. Merci, yeah. Merci. Yeah, she's the Melissa we know. And thank you. Oh, thank you so much. So we just listened to two songs, Pierre Perret with Tonton Cristobal and Jacques Dutronc with L'Opportuniste. And we're going to keep on playing songs about money tonight. And money, because money. That's what we're all about, because... Because, you know, it's money, bro. Yeah. Gotta keep those lights on, eh? Yeah. And... For sure. You betcha. Yeah. And you can call at 612-375-9030 or kfai.org. Yeah. And you get some good stuff. Oui. But you get to support us. That's one of the main good stuff. Mm-hmm. Yeah, you get to support something unique. I think it makes a lot of sense, especially in this day and age. And thank you. I think that definitely aligns in terms of values, of understanding how important this radio station is to the community here in the Twin Cities, but also beyond, because it's online. Yeah, it's a great team, really good people that thrive every day to bring to you a diversity of content, from news to hip-hop. My friend at the Hip-Hop Democracy, we have African rhythms with our friends. We have such a great diversity, and here we just represent one of the facets of what this radio station is promoting, and they love it. And that's how they started in the 70s, I think. It's been around for some time, 78. Yeah. And thank you for keeping it going. You know, it's multi-generational at this point, and you're participating to this. So thank you so much. And also know that your money will not be invested in the stock market. Yes. That's it's always good to mention. In T-shirt and... For the next play drive. And, I think this is definitely a place where I've seen the team knowing how to stretch a dollar. And so this is great. This is so exciting, because really this is a great impact, and it's very meaningful to a lot of us here. So thank you so much for your contribution and your support. Past and future. So 612-375-9030. April is getting bored, so you gotta get the phone going. And we're gonna keep on listening to music. We're gonna listen to a cover song. The song is Rock and Roll Dollars, but it's from it's interpreted by Eddie DePreto and featuring Sofiane Pamart. And then we're going to listen to Olivia Ruiz with La Petite Voleuse, The Little Thief, from her album La Femme Chocolat. Ah, oui. On y va? C'est parti! Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du gasoline pour mon chopper. Je serai votre pop star, je serai votre king. C'est une question de dollars, une affaire de feeling. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des décibels pour mon tuner. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des boots made in Angleterre. Je serai votre pop star, je serai votre king. C'est une question de dollars, une affaire de feeling. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du gasoline pour mon chopper. Je serai votre pop star, je serai votre king. C'est une question de dollars, une affaire de feeling. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des décibels pour mon tuner. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des boots made in Angleterre. Je serai votre pop star, je serai votre queen. C'est une question de dollars, une affaire de feeling. Encore un petit effort. Oh, oh, madame, j'ai tant besoin de réconfort. Je serai votre pop star, je serai votre king. C'est une question de dollars, une affaire de feeling. Oh, oh, madame, encore un petit effort. Oh, oh, madame, j'ai tant besoin de réconfort.

Was it? Yes. Album, I think. No. I think so. Yeah. C'est la femme chocolat. Mm-hmm. Yeah. Yeah, the chocolate woman. Yeah. Yeah. Beautiful album. And what a voice. She just got such a unique voice. But wasn't she with Dionysos too? She was. She was, huh? That's what I feel. She was thinking about. But yeah, she was with Dionysos, so that was a nice couple. Mm-hmm. I mean, like the couple, I don't know, but at least an artistic for the music, yeah. Mm-hmm. Yeah, I'm not interested in anything else. I don't read the magazine. No. And tonight is Pledge Drive on KFAI. So if you can help us, 612-375-9030. 612-375-9030. April is going to be on the other side. You can call her right now. She's ready. Her name is April at 612-375-9030 or KFAI.org. And she can tell you secrets about Freddy. Uh-oh. Yeah, she probably could, but I don't know. I don't know that she will. So we'll see about that. Otherwise, in French news, that's been pretty quiet lately because we've listened to a lot of news from here. So I think the latest big news was Marine Le Pen being not legible. Convicted. So, yeah. Mm-hmm. I mean, she's appealing and the appeal should be heard before. I mean, in time. For the presidential election. Mm-hmm. Yeah. Just in time, we're not sure. But that shouldn't be, I mean, usually, I mean, that is, it's because it's a, you know, very exceptional situation, but usually for an appeal, for a case of that magnitude, you would have to wait at least 2 years. Yes. Yeah. So, which the presidential election of France will be in 2 years. Yeah, it's every 5 years. Yeah. So yeah, that's been like the huge news. Definitely, I know a lot of the people I know here that are not from France have asked about this because it made international news. Mm-hmm. A lot of heads of state have commented on it. So it did catch. So that's definitely I actually received a breaking news, you know, notification, a push notification from the New York Times. Yeah. That doesn't happen often for French news. Exactly. But what was more discreet is like 3 weeks before, the former president, Nicolas Sarkozy, was going to be like, if he had not been president, he probably would have been in jail. But he's going to be for a year in house arrest. And he's being judged again on a different trial for different charges. Mm-hmm. And that might extend his house arrest. So we'll see about that. But that's a lot of... What fun news, Freddy. What else we got news here? No, this is good. And so we're going to keep on talking about money. Tonight, through the songs, we're going to listen to Jacques No with a song called Pognon. It's one of the word that means money in French. Pognon. It's slang. Yeah, it's slang. De l'argot in French. And then we're going to listen to Stup Flip with the song Argent. And Argent just means money. Yeah, that's it. But not in slang. No, not in slang. Not in slang. Yeah. On y va? Très bien. C'est parti. Allez, vas-y. C'est parti. Les talbins contre du grisby, le fric n'est jamais que du bleu, l'artiche ne vaut pas plus que la joncaille, le matelas n'est pas plus lourd que les copecs, l'âtre, pognon, poussière et candélabre, c'est la vaisselle des fouilles. Qui passe par ici, qui repassera par là. Faut pas se fier à ces choses-là. Carbi, carbure, fraîche, demi-fraîche, oseille, osier, soudure, tuile ou zinc, cachet, cadeau, caisse et flouze. Il est pas, c'est par ici, il repart, sera par là. Faut pas se fier à ces choses-là. Mmh. Bolivar, Morlingue et autres Monaco. Noyau, carbure, os et pognon. Bicaillon, Rusquin, Radis et Tintin. Il est pas, c'est par ici. Il repart, sera par là. Il faut pas se miner pour ça. Par là, faut pas se fier à ces choses-là. Barda, bifton et autres broderies, laissez passer, faf en divers formats, papier, taffeta, ticket, tixon. Ils sont pas, c'est par ici, ils repartent. Seront pas là, font pas se fier à ces choses-là. Par là, faut pas se fier à ces choses-là. Il repart, c'est par ici. Il repart, sera par là. Faut pas se fier à ces choses-là. Toi, change, t'aurais avec ta couleur bizarre. it was the marvel of the future. They did? And they were right. They were? Radio. Radio? The miracle broadcast technology from the 1920s is still relevant today. How? How? Yeah, how? By telling you informative things. Oh. By playing interesting music. I do like that. By making you think for a change in this modern world. I am a very thoughtful person. That's why you should go to KFAI.org and click donate. I should? It's the best way to make sure that KFAI stays strong, vital, and fully charged in the never-ending battle against sloth, lethargy, and mendacity. We're battling sloth? KFAI, non-commercial community-powered radio from the Twin Cities to the world! Are they two-toed or three-toed? You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. And this is Pledge Drive tonight. Indeed. And we just listened to two songs. Every time I'm so used to saying three. Yeah. Jacques No was the first song we listened to with the song Pognon, and Stup Flip was with the song Argent. Très bien, merci Freddy. We're going to keep on going, but we'll talk about the event first. Mm-hmm. First you can give... The only event is Pledge Drive, period. Yeah, that's it. KFAI.org, and that's all the entertainment you can have. Well, thank you very much for all who already give. We really appreciate it. And other events coming up outside of that, on Thursday, 6 p.m., Apéritif en Français at the University Club. It's a conversation group, and the University Club in St. Paul is located at 420 Summit Avenue, St. Paul, Minnesota. And yeah, it's Thursday, it's once a month, and it's pretty casual. I mean, it's a conversation group, so there's all levels. Then on Friday, the 25th, from 6 p.m. to 8:30, there's going to be Cine Club, and the name of the movie is Le Consentement, or The Consent. And actually, I think it's translated differently, but I will try to find it. But it's at the Alliance Française, so 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And you can go to afmsp.org in order to get like more specifics about the movie or to get there and things like that. And what else? Festinema Junior 2025 Youth French Film Festival. And it's at the Alliance Française. It's on April 29th. And it's going up to May 1st. And... it's for the kids, and she is with teachers. So Festima Junior is returns in 2025. This school program will give young learners the chance to practice their French comprehension while developing a test for foreign language cinema. This year, three films will be shown over 3 days. There is something for everyone to enjoy, so you can go to afmsp.org. And what else is there? KFAI is going to have on May 18th, so it's not right away, but they're going to have the 24 hours of metal meltdown. So it's the 7th annual tribute to Earl Ruth. And so that's going to be a lot of metal. And I think that's about it for the event for right now. There's more events on May 1st and May 18th, especially with the French... American Heritage Foundation. Thank you, FAF. Yes, that one. And for us, we're going to keep on listening to music about money because we need your help. Yeah. 612-375-9030 or kfai.org. All your money is going into equipment and power and things like that. Mm-hmm. There's very little staff at KFAI. Mm-hmm. All the hosts you listen to during the day are volunteers. So including yours truly. Yes. So we're going to listen to Trust. Trust, because it's French. It's a so French it's trust. It's not trust. Exactly. Proust. Yes, Trust. Entrusté. Salut de pauvre is the name of the we're song. We're not going to translate that one. No, that's okay. No, poor person. And then we're going to... That's a very nice way to translate. Yep. Yes, it is indeed. And Sinclair with the song called Demain. Tomorrow. Yes. Okay. On y va. C'est parti. Et on est là jusqu'à 10 heures. Oui, here oui. Oui. La pauvreté du millénaire, elle est en marche, ce n'est pas pour lui déplaire. On s'anoblit toujours entre princes et consorts. Pendant ce temps, tu peux toujours crever dehors. Que tu sois assisté, retraité, étudiant, travailleur pauvre, chômeur à plein temps, une femme seule de ses enfants accompagnés, un simple flic, soignant ou sans papier, est suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre. Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Ma France ne compte plus ses bidonvilles. Ma France respire la crainte dans toutes ses villes. Ma France devient aveugle et cynique. Ma France baisse les yeux, c'est plus pratique. Et distille la peur dans ses foyers précaires. À toutes les bouches, putrides et lapidaires. Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Est-ce suffisant pour faire de toi un salaud de pauvre? Un salaud de pauvre? Il est en marche la pauvreté du millénaire. train, demain, j'investis dans la pierre, demain, je suis propriétaire, je deviens millionnaire. Un peu plus d'argent pour être à l'aise, un peu plus de temps ne vous déplaise, un peu plus d'argent pour voir plus grand. Demain, j'augmente le prix des concerts. Demain, je viens en hélicoptère. Je deviens milliardaire. Un peu plus d'argent pour être à l'aise. Un peu plus de temps ne vous déplaise. Un peu plus d'argent pour voir plus grand. Wally Walou, we are back, and we're you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and you're still we're still in the middle of Pledge Drive. Indeed, and we are waiting for your phone calls or your donation through KFAI.org or 612-375-9030. And we are mostly volunteers, and it's a community radio, so feel free to give what you can. We just listened to Trust with Salaud Pauvre and Sinclair just now with Demain. And we're going to keep on going and feel back on Jamboree. Just a reminder that Bonjour Minnesota is there each week, every Tuesday, 8 to 10. When we can't be there, there's like a pre-recorded show, but that doesn't happen very often. Sometimes it's preempted, but not often. And in archive.org, which is also a nonprofit dedicated to like save a lot of the things on the internet. All the shows are there since, I mean, the oldest show is from 2012. So you can go, there's like hundreds of shows, hundreds of hours, and some shows with like interviews and people, I mean, different themes and things like that. So that's pretty cool. Singers coming on tour, like Jeanne Chiral or Cyril Aimé, I mean... there's even like an old interview of like Le Mime Marceau, Marcel Marceau. So a lot of things like that. So, and we're going to keep, and each week we keep on playing music. Sometimes it's by theme, sometimes we not, like new things. So here we're going to keep on listening to songs about money. The next song, first, there is going to be the sound of the the change, a coin in a small plate. Yeah, a little bit like Madame Pipi. Like, yes, that's a reference. Yes, had, it's true. It still exists. Explain. You have to explain. I feel like you've gone too far to not explain exactly what that means and the experience. So go ahead, explain Mrs. Pipi. Madame Pipi is the lady who's cleaning the toilets or the public bathroom, like in the metro or by the Eiffel Tower. I mean, and well, not just, I mean, it's in France, just in France. I know that, you know, it's when you're in Paris, place. You think you're on an island, but this is, this is in France. Islands. In Italy as well, there is Madame Pipi. Okay. So there are the people typically monitoring the bathroom and making sure that it's clean. And they often have like a small plate and, you know, you give what you want or what you can. I mean, it pocket depends change, if you have to pay. Change, But often it's pocket change and often that's the noise that it makes in the plates. Well, now pocket change is often like €1, €2, €5. Yeah, if people like throw credit cards at them, that doesn't make the same noise. No. And so we're going to listen to that. And then Tonton David with the song called Cash. And then Forever Pavot with Or et Argent. Okay. And Forever Pavot is more instrumental. Okay. But they're pretty cool. Excellent. Another Bandcamp discovery. Ooh. Oh, by the way, the next Bandcamp Friday is going to be in May. There was none in April. Yeah. But the first Friday of May is going to be Bandcamp Friday. And so if you want to buy stuff on Bandcamp on that Friday, Bandcamp is waiving their fee. Yeah. And so more money is going to the artist. Okay. And we're still on Pledge Drive. So if you'd like to donate, go on kfai.org. In the menu, there is a donate section. Wow. Amazing. And you can support KFAI Radio, support Bonjour Minnesota, and all the volunteers behind it. Thank you very much. Otherwise, you can, if you like it old-fashioned, you can also call 612-375-9030. Thank you. On y va. Merci. C'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le ragamuffin qui chat, man. Oh, oh, oh, viens, gal. Nous n'avions pas de fan club, peut-être seulement au stop d'à côté. Les gens nous appelaient cassons sur jeune homme. Difficulté un jour, quand je sortais du dépôt à cité, je me suis mis à fredonner, y'en remettant mes lacets. Je serais plus nice avec un B compte en banque. Je serais plus cool avec un B compte en banque. Je serais plus simple avec un B compte ensemble les banques. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'avoir certaines ambitions? Bien, gal. Pourquoi toujours les mêmes pour contrôler le pognon? Laisse-moi pleurer pour tous les jeunes sans domicile fixe. respect. Laisse-moi pleurer pour tous les jeunes à Fleury, mais Rogis. De simple nage avec un compte en banque. De simple sable avec un compte en banque. De simple cool avec un compte en banque. Je serai plus naze avec un compte en semblé. Watch out, avec ses aides, je vais y aller au cinéma. Arrivé là-bas, je vais y acheter une seule. On sort de là-bas, direction la pizzeria. Comme je suis un prince charmant, je la ramène en CETA. Après, j'avais plus d'argent pour rentrer chez moi. Et pour prendre le métro, c'était déjà 30 ans. Je serai plus naze avec un compte en banque. Je serai plus cool avec un compte en semblé banque. Pourquoi n'aurions-nous pas droit d'avoir certaines ambitions? Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'avoir certaines ambitions? Droite, jeune, choisis ta position. L'argent ne fait pas le bonheur, mais soyons réalistes. Et si on ne te respecte que pour ta thune, et c'est ça qui m'attriste. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'avoir certaines ambitions? Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'avoir certaines ambitions? Droite, jeune, choisis ta position. Prends dans mon compte, je veux des droits dans mon compte. Prends dans mon compte, je veux des droits dans mon compte. Les gens, tu veux des fois dans ton compte, et pas les noms, tu veux des fois dans ton compte, et Nancy, tu veux des fois dans ton compte, et Karim, tu veux des fois dans ton compte, et Junior, tu veux des fois dans ton compte, et Théo, tu veux des fois dans ton compte, et t'as des mots, tu veux des fois dans ton compte, quand j'ai les mains dans mon compte, je veux des fois dans mon compte, prends dans mon compte, je veux des fois dans mon compte, prends dans mon compte, je veux des fois dans mon compte. Right, we are back again. Indeed. And it's still Bonjour Minnesota, it's still Pledge Drive, it's still Freddy, Adrien, and Romain. Eh ben voilà, c'est moi. And I think I just said that it was still Pledge Drive, did I? Yes, it is. You did. You just said, yeah. Did I say that it was Pledge Drive? What did you just say? I think it's Pledge Drive. We're not your wife. We don't have to take it, okay? He's going to cry. We just listened to Tonton David with Cash. Yep. And then Forever Pavo with Or et Argent. Gold and silver. Or money. Because Argent can be silver or money. But we're going to keep on going. So you can still give us at kfai.org. Or at call at 612-375-9030. April is waiting for your calls. And we're going to listen to MC Solar with L'Homme qui voulait 3 milliards. So I don't remember for sure the name in English. The $6 million man. Right. Mm-hmm. And that's L'Homme qui valait les 3 milliards. Oui. But here it's L'Homme qui voulait 3 milliards. That means the man who wanted $3 billion. Featuring Bambi Cruz. And then we're going to listen to I Am with Monet de Singe. monkey money. It's like kind of like fake money, money that's not really worth much. All right, on y va? Bah c'est parti. Yeah, let's do it. Yes, yes. Hip hop bank, avec DJ Cash billet derrière le guichet. Prenez place, asseyez-vous, assoyons-nous. Que puis-je faire pour vous? Je veux une mallette pleine de cash, mec, surtout pas de chèque. Pas de billets marqués, t'es taré, c'est carré ou je t'efface net. Des baskets à mes yens. Et si tu te fous de moi, je te rattrape et te casse la tête à coups de bout de bois. Conquérant du nouveau monde, brune roue, c'est blonde. Tenez-vous prête, on fera la fête quand j'aurai les pépettes. Mon crédit est refusé et mon banquier est smart. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 ça milliards. Ça va être possible à l'instar de Zelda. Ouvrez EPPE, après on verra. Vous aurez droit à des tas de chèques payants. Une carte de crédit, un plan épargne logement. Route de la banque ou route de la banqueroute. C'est Beyrouth, les factions cassent pour leur casse-croûte. Pas de contentieux avec les cantons suisses. Jesus, c'est crazy qui crée le consensus. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Je suis l'homme qui voulait 3 milliards. La banque du peuple se trouve à Beverly Hills. Et les petites coupures sont dans les bidonvilles. Visa Mastercard, American Express. C'est Los Angeles, à Garges les gonesses. Les gosses font du business dans les halls. Nage la brasse quand la finance elle crawl. 3 milliards pour affréter cargo. Dix, faux Lacoste, double zéro. Faites vos lises, mes collègues blanchissent. Île anglo-normande, Saint-Martin et puis Suisse. La banque c'est la bonne planque, je m'y planque et sa banque. Tu voulais 3 milliards, viens avec un tank. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Je suis l'homme qui voulait 3 milliards. J'accède, France, Suisse, Yen et Deutsche Mark. Pour faire construire dans ma cité un putain de skatepark. Vas-y Bill Gates, une petite mallette tu le sentiras même pas. Si tu le fais pas c'est que tu nous aimes pas. La vie c'est pas un gain de terrain, un monopoly. Cacher des milliards de dollars sous son plumard c'est du joli. Molly m'a dit, impossible de refuser de jouer. Nous sommes des pions dans les mains de quelques privilégiés. Alors d'accord c'est hardcore, je suis le fou qui kiffe flop. Bouffe la reine, puis apporte le trésor au quartier nord. Dès lors on jouera plus au loto. Tous à l'aise vieux, en nouveau proprio de la française des jeux. J'rêve mieux, plus loin, plus sain. Canalise l'énergie des cités pour créer 1000 entreprises. T'es riche, fortuné, tu veux m'aider, c'est bonnard. Au fait, les 3 milliards, c'était en dollars. J'ai des tas de trucs à faire dans le monde des affaires. Mais je sais pas comment faire sans être milliardaire. J'ai des tas de trucs à faire dans le monde des affaires. Mais je sais pas comment faire sans être milliardaire. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Right to control their lives and to control their destinies. You can beat me or jail me, or even kill me. On ne les voit pas là où on passe, de branche en branche, ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble ou pire. S'amourachent et se fréquentent sans soupir. Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic, on observe et ça les énerve. Tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle et qu'on rentre dans leur rang, si possible à grands coups de paix. Tu sais je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qui se fasse le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur balle. Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, y'a pas de graines sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène. Au volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à quatre pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vol. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais. Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime

Et voilà. Voilà, voilà. Yeah. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio, KFI 1978. It started. Oui. Early 80s, Bonjour Minnesota started. And for a long time, it was hosted by Caril and Georgette. Ouais. And for a less long time, it's us. Yeah. The three of us. Yeah. Trois mousquetaires. Well, yeah, but one of the mousquetaires. One of the mousquetaires is going to go away for a little bit. Yeah. Yeah. Ouais. Maybe you can we can pre-record a show. Yeah, or once I can. I mean, it will be what 3 a.m. Yes. Oui, so I can do problem. It on. Yeah. I'll call in every week. We'll wake you up. Yeah, using Zoom. Mm-hmm. Yeah, we could do that. We just listened to three songs instead of two, as I announced, because I wanted to keep them a little bit together. We listened to MC Solar with L'Homme qui voulait 3 milliards, then I Am with Monet de Singe, and I added Soprano with Millionaire, because the next series is a different style of music. Mm-hmm. And it's still Pledge Drive, so if you can or want to help us, kfai.org, and... otherwise, 612-375-9030. 612-375-9030. April is on the other side of the line. And we can see her through the window, through the glass window. You sound like sur les manèges. Perfect. Yeah. That's what I was going for. Yeah. All right. Well, we're going to listen to two more songs. The first one is a skit of Lino Ventura in Les Tonton Flingueurs. And they are talking about money and stuff. And then we're going to listen to Georges Brassens with Les Croquants, which were the peasants, very poor. And Yves Montand with Les Canuts. Les Canuts from Lyon. They were the factory workers that actually... silk. We're eating in the silk, and they kind of made the French cuisine in a way, because in Lyon they were going to the bistrot and eating all the poor ingredients, the leftovers from the rich, and that's how French cuisine got developed, with all the different pork, the tripes, les tabliers de sapeur, and all these great Lyonnaise specialties. All the stuff nobody else wanted at the time. Exactly. They made it a culinary celebration with Paul Bocuse. Yeah. All right. Well, let's go. C'est parti. Jacques! Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Mettre un peu l'as de l'huile des jus de fruits, allez. Pas jus de fruits, du scotch, vos jus de fruits, vous pouvez vous les faire. Alors, allons-y! L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point, c'est tout. Paye quand l'acheter. Avec ça, touche pas au Grisby, salope! Les croquants vont en ville à cheval sur leurs sous, acheter des pucelles aux saintes bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent, la main dessus, la main dessous. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, c'est pour la bouche du premier venu, qui a les yeux tendres et les mains nues. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne humeur, les filles de bonne vie, qui ont vendu leurs fleurettes à la foire à l'encan, vont se vautrer dans la couche des croquants, quand les croquants en ont envie. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, n'a jamais accordé ses faveurs à contre-sous, à contre-cœur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne vie ont le cœur consistant, et la fleur qu'on y trouve est garantie longtemps, comme les fleurs en papier des chapeaux, les fleurs en pierre des tombeaux. Mais le cœur de Lisa, le grand cœur de Lison, aime faire peau neuve avec chaque saison. Jamais deux fois la même couleur, jamais deux fois la même fleur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne qu'une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. We are back. We're back. Indeed. And we just listened to two songs. I mean, first there was like a skit with Lino Ventura and Les Tontons Flingueurs, which is a movie, an older movie where it's a heist. And then we listened to Georges Brassens with Les Croquants. And then just now was Yves Montand with Les Canuts. And we're going to keep on going. We have 15 more minutes. So, reminder that we're here each week, and often we have different themes, and we play music in French for the most part. Sometimes we have exceptions. And by the way, I'm going to stop French and French's radio show therapy, so I'm not going to have an outlet anymore for like song in English from French artists. So I might play some, like, by the end of the night, you know, some mm-hmm. French artist who sings in English, like Amy Simon, for oui. example, or Daft Punk. Mm-hmm. But overall, that's still going to be the same. And if oh, Jean Ferrat. Jean Ferrat. Jean Ferrat. No, Ferret. Jean Ferrat. Ferret. And, very, very famous. Yeah. And we're going to keep on listening to music about money tonight because it's Pledge Drive, so kfai.org or 612-375-9030. Thank you very much for those who already gave. Mm-hmm. We really appreciate it. And we're going to listen to Francesca Soleville with Tapas en Bal. You don't have no. 100 francs. No. And then Grain de Sable with Les Banquiers. And then La Nef with L'Économie Solidaire. So, series of three? Yeah, we're back on the Trinity, I mean, kick. Really, like, threw up Where were you, Romain, for the past? Oh, we're playing three songs in a row. How interesting. We played two in a row. Most of it. You didn't notice. So except you? When you did, except when you did the bruitage. That counts for a third one. Bruitage. All right. Well, let's go listen to three songs in a row and we'll be right back. C'est parti. Sans place des fêtes pour qu'on s'emballe, sans balle musette. T'as pas 100 balles, 100 balles à blanc pour faire le bal des survivants. T'as pas 100 balles, 100 balles à Joe, 100 000 cymbales et un banjo. T'as pas 100 balles, 100 balles qu'on bleu, un capital pour les banlieues. Tu m'en diras, tu m'en diras tant. Et mon amour mendiant, jamais tu diras. T'as pas un franc sourire, trois grains de safran juste à offrir. T'as pas un rond dans l'eau, un rond sous le pont de mon chapeau. T'as pas du fric à fracasser, t'as pas de la fric à embrasser. T'as pas de sous, de sous de bon sens pour qu'on soit sous, sous d'impatience. Tu m'en diras, tu m'en diras tant. Et mon amour mendiant, jamais tu diras. T'as pas sans fleurs, sans quai de gare, sans dix couleurs, sans qu'on s'égare. T'as pas senti, sans mots, sans pages, tant pis parti au long du large. T'as pas sans rouge au fil des veines, sans cœur qui bouge. Vend des graines, t'as pas 100 balles, 100 balles d'avance, t'as pas 100 balles pour qu'on y danse. Tu m'en diras, tu m'en diras tant. Et mon amour mendiant, jamais tu diras. Un sou, ça rend mon banquier fou. Avec la moitié des quatre saisons, il aurait pu gagner des millions. Comment peut-on préférer à l'argent l'humanité? Offert aux hommes comme ça pour trois fois rien. Comment peut-on préférer à l'argent l'humanité? Mm-hmm. entier voudrait bien comprendre comment Noé n'a pas pensé, après l'immense déluge à revendre, toute son arche à l'humanité. Comment peut-on préférer à l'argent la prospérité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Les riches de ce concept bien. De la crise, tout s'achète et tout se vend. Pour avoir, on divise, on veut le pouvoir et l'argent. Dans cette logique sans limite, allons-nous vers la faillite systématique? Face au yo-yo de la bourse, moi je rêve d'arrêter la course, me poser pour repenser un modèle de société, une économie nouvelle pour repartir du bon pied. Dans un élan solidaire, devenons les sociétaires du changement que nous sommes, pour que l'argent relie les hommes. Avec un zeste citoyen, donnons-nous tous les moyens de faire grandir en chacun. Back and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Yeah. And it is 9:55. We have 5 minutes to go until well, back and Jamboree. Yes. And we just had Luke from Tampus. Yeah. Back. Nice and to see Luke. That was pretty awesome. I like to talk to him. Mm-hmm. So we just listened to Francesca Soleville with Tapa Sambal, Grand Sable with Les Banquiers, or the Bankers, and mm-hmm. La Nef with L'Economie Solidaire, the solidary economy. Et voilà. And this will conclude the Pledge Drive show for mm-hmm. tonight. Mm-hmm. The Pledge Drive on KFI goes until the 18th, so... you have still a few more days. Yes, you can give at any time and just say that you like Bonjour Minnesota and you're probably going to get a premium. I have some CDs at home from from artists like Wellingtons or the New Riverside Ramblers or anything like that. So we'll do that. And if you keep on listening to us throughout the year, as much as we can, every time there's a French artist with French connection, that could be French from Quebec or elsewhere, we try to get tickets for you guys. And whether it's from the Dakota or the Cedar or First Avenue with their various venues and things like that. But we got to give away tickets for La Femme, for, I don't know, like M83, I think we had tickets. Justice, the band Justice is coming up. And they're going to be here in June. Keeps on going. I mean, there was Phoenix. But they'll that be came at the around. Armory. Big bands. Yeah, at the Armory, So we'll keep you posted. Yeah, for sure. Yeah, great artists from the Twin Cities. So, in the Twin Cities. Yes. All right. Well, we're going to finish the night with like a song called Le Temps, l'Argent, le Vent. And it's from Charlie Couture. It's like 3 minutes. So, that should fill in the time until we get Balkan Jamboree with Nicolai. Eh bien, c'est parti. Très bien. Bonne semaine. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonne nuit. Des kiwis, des litchis, ou le fruit défendu. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Je somnolé dans un resto en dehors de la piste quand un rugbyman barjo m'a réveillé en sursaut. Il m'a tapé dans le dos en disant: hey l'artiste, faut que tu retournes à Melbourne plutôt. Je regarde la montre, ouais, déjà 3h15. J'ai un rencard à l'hôpital et je suis en retard. Alors j'ai conduit comme une ambulance. Faut pas laisser traîner les urgences. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Je garde la voiture et je croise un mendiant. Il avait une pâle figure pourtant. Il buvait en marmonnant. Une chose est sûre, chaussure, t'es à côté des pompes funèbres. April 16th, KFAI brings you an evening with Cheryl Wheeler and Kenny White live at the Cedar Cultural Center. Recommandé posé like sur Cheryl Wheeler returns to the impôts. Cedar stage with longtime collaborator Kenny White for the intelligent orage Queen lyrics. Remember the melodies and local performance that's always fresh as you did. Alors l'État taxe les gens. Ticket on the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. On perd son temps en luttant contre le temps. Et lutter contre les moulins d'argent, c'est lutter contre les moulins à vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. J'ai pas envie de travailler. Je n'aime pas les congés payés. Moi, je veux des filles et de l'argent, des beaux costumes et du bon temps. Dormir le jour, courir la nuit. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and around the world at kfai.org. Oh, hey, everybody. Listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, HD Minneapolis and on. Moi, les bourgeois, ça me fait frémir avec leur fric et leur tirelire. Ils n'aiment pas mes cheveux dans le cou. Moi, je les emmène, je m'en fous. Je me tape leurs filles et leur whisky. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, ça c'est ma vie. Une fille qui me plaît, je me l'envoie. Ça lui plaise ou ça ne lui plaise pas. Et si elle veut pas, je lui fais une grosse tête. Quant à son Jules, c'est pas sa fête. S'il est trop fort, j'ai mes amis. Ça, c'est ma vie.